Ok, Derez. Bah, je vais en parler à Marcus alors. Mais t'inquiète, tu peux compter sur nous. Bah tiens, d'ailleurs, il m'appelle. Bon, allez, à plus, frérot. Allô, mon pote, ça va ou quoi? Ça va, Cus? Ouais. Quoi de neuf? Quoi de neuf? C'est un peu comme. C'est toujours pareil, quoi. Non. Ouais. Du nouveau? J'ai pas grand chose à raconter, sauf que. Tu sais, à part les miens, je calcule personne, enfin ni plus ni moins. J'ai envie de leur dire, ne comptez sur ni Cus ni moi. Je perds le sommeil, j'en deviens insomniaque. Moi, je suis sur un terrain et à mes yeux, pas un seul marque. Tu sais, je reste à l'écart, un peu comme Spawn. Je rêve du son parfait avec en fuite les Beatles et les Stones. Des autres, moi j'attends rien, je préfère rester chez moi. On m'a appris, dis pas trop de merde et n'embrouille jamais un chinois. J'écoute ma mère, mon père et tout ce que mon frère dit. Mais à la longue, ça me saoule d'écouter du dirty. On me dit lassé, oui c'est vrai que j'en ai ras-le-bol. Les ailes brûlées, c'est un bon titre, y'aura pas d'autre album. C'est vrai, je reste loin de tous ces phénomènes de mode, moi. Je suis bel et bien vivant, même si je fais quand même le mort. Soit ça marche ou je laisse tomber, je n'ai pas de plan B. Dur de décoller quand tes ailes sont plombées. Parlons de tout, de rien, sache-le, tes problèmes sont les miens. Comment va ta mère, ta femme, ton frangin? À part ça que du vieux, on vit à fond, scrute du balcon. Les mêmes poucs qui me rendent nerveux, parlons peu, mais bien. Sache-le, tes problèmes sont les miens. Comment va ton père, ta sœur, tes cousins? À part ça que du vieux, on vit à fond, scrute du balcon. Les mêmes poucs qui me rendent nerveux. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, moi de mon côté, rien de neuf, que du vieux. Que du vieux? Mais au final... Quoi? Bah en fait c'est... Quoi, dis-moi. C'est la merde, Gwen, vraiment plus quoi jouer les fiers. Ce qui ne tue pas me rend plus fort. À quoi bon faire des efforts? Je ne fais plus la différence entre mes rêves et mes errances. Soit je prends les armes, soit coule les larmes. C'est une impasse où se trouve mes chances. Récurrents sont mes projets, véhiculant les mêmes problèmes de mes amis. Dieu me protège, pour mes ennemis j'ai des prothèses. Rentre dans ma tête, tu verras le malaise. Ma joie de vivre dans une mallette. Pour en débattre, il y a matière. Sinon, quoi te dire, à part que mon cœur n'est plus tout jeune à 22 piges. Ça y est, la vie me déboussole. Frère, je préfère t'en parler en face. Il y a des choses qu'on dit au téléphone et d'autres je ne pense pas. Puis merde, j'ai plus de batterie, vas-y demain on se capte en studio. Ne t'attarde plus, prends soin de toi et embrasse Elo. Merci. Et au fait, aide-toi, ouais. Gwenzel. Qu'est-ce qu'il y a? Fais ta bon Dieu. Oh, parlons de tout, de rien. Sache-le, tes problèmes sont les miens. Comment va ta mère, ta femme, ton frangin? À part ça que du vieux, on vit à fond, scrute du balcon. Les mêmes ploucs qui me rendent nerveux, parlons peu, mais bien. Sache-le, tes problèmes sont les miens. Comment va ton père, ta sœur, tes cousins? À part ça que du vieux, on vit à fond, scrute du balcon. Les mêmes poucs qui me rendent nerveux. Allô? Ouais. Ouais, Gwenzel, bien ou quoi, mon vieux? Bien, et toi, frérot? Ouais, peu peur, hein. T'as vu, toujours les mêmes rengaines. Ça me prend la tête, là, c'est toi, cette fois. Ah, tu changes pas, toi. De toute façon, on en parlera, je pense que t'auras plus quoi. Et au fait, Marcus? Bah, il va bien. Toujours le même. Ouais, peut-être. Faites chaud courant. Ah ouais? Toi, ah, ça tourne déjà. Bonheur, hein. Bisous, garçon. Ah, je sais pas encore, frérot.